Grishenko, fais-leur leur fête pour gagner le Alice Game. Il y a des années, au fin fond de l'Allemagne, un mec créa des BJD pour qu'elle gagne. La poupée parfaite, est-ce qu'elle existe? Cette grande bataille en donnera une piste. Oh, oh, oh, prépare tes armes. Oh, oh, oh, il vient des bonnes joints, plus le droit de reculer cette fois-ci. Grishenko, fais-leur leur fête pour gagner le Alice Game. Suiseki, fais pousser leur défaite pour gagner le Alice Game. Qui gagnera le Alice Game? Elles volent dans les airs, elles ont des pouvoirs, elles froissent jamais l'Europe, c'est vraiment bizarre. Recueilli par un geek collectionneur, sauf qu'il a eu Shinku, c'était par erreur. Oh, oh, oh, prépare tes armes. Oh, oh, oh, il vient des bons joints, plus le droit de reculer cette fois-ci. C'est qui découpe-leur les têtes, qui gagnera le Alice Game. Suigito, brûle les deux tes ailes pour gagner le Alice Game. Qui gagnera le leur les oreilles, qui gagnera le Alice Game? Ina Ichigo, fais leur bouffer tes fraises pour gagner le Alice Game. Voilà Suisho, cristallise-les, qui gagnera le Alice Game? Tune No Life, regarde-les, qui gagnera le Alice Game? Qui gagnera le Alice Game? Qui gagnera?